Soft breeze, gentle hum. Les cloches ont rouillé sous la pluie noire. Les saints se sont pendus dans le dernier couloir. Je me suis lavé dans l'eau d'un puits sec. À genoux sur des cendres, je priais en mai. Rablis-o. Les chiens ne prient plus dans ce monastère en ruine. Le ciel s'effrite, il reste clair ou divin. J'ai gravé mon nom sur des planches moisies. Et les anges m'ont ri dessus, ivre et pourri. La croix s'est couchée sous le poids des mensonges. Y'avait plus de Dieu que des gongs et des songes. Le feu m'a baisé sans blesser de marque. Mais le souffle des morts m'a rendu bas. Tommy Bob, keep the fire burning strong. Through the dust and rust we move along. J'ai pissé sur l'autel, le regard vers l'ouest. Un corbeau m'a dit que j'étais le dernier prêtre honnête. Les vitraux sont tombés comme des vérités. Et j'ai dansé nu au fond de la cité. Oh oui, bon. Le vin est devenu poison dans ma bouche. Mais je bois encore, je suis pas une souche. Le tambour frappe au rythme de mes. Et les sœurs chantent, main sur la côte. Hold the flame, don't let it die. In the shadow, we survive. J'ai prêché l'amour avec des barouillés. Offert la paix en marchant sur des clous-clous. Mais je suis qu'un prophète à la dérive. Un radeau de chair dans une mer maladive. Ils ont gravé des psaumes sur les murs du bunker. Mais y'avait plus d'encre que du sang et du bunker. Les gosses chantent faux, mais c'est tout ce qu'on a. Un gospel de rouille qui se fredonne sous la carte. Et c'est mort. Long blue. Gaspille mort. And percussion. J'ai vu des rires dans les larmes de la nuit. Une lampe cassée qui brillait sans bruit. Et peut-être c'est ça, dernier sermon. Juste un râle dans un vieux canon. Bobby. Frappez vos mains, mais pas pour prier. Dansez sur les cendres, pas pour oublier. Y'a plus de ça que des types comme moi. Et la voix qui s'élève, c'est juste ma voix. Stand your ground. Keep the light. Even when the day turns night. Nous portons le feu. Far out on d'espoir. Aucune ruine ne pourra éteindre les histoires que nos voix atteignent. Nous marchons ensemble, côte à côte, à travers terre brisée, notre route. Dans chaque cœur, la flamme reste témoignage. In your arms, the fire's alive. In the ruins, we survive. Ember melt, stay. We're free. Hit up on fire. Burned us free.